mes sentiments sont ma fierté, je les évoque avec honneur. Quand dans mon cœur c'est la clarté, tout le reste c'est le bonheur. Un message évocateur, l'émotion n'a pas de couleur. Les joies sont universelles, comme la peine et la douleur. Ce qu'on ressent dépasse les différences. Dis-toi bien que dans ce monde, y'a 6 milliards de références. Le monde n'est pas si féroce, n'écoute pas vociférer ceux qui ont un esprit borné ou des idées trop atroces. Peu importe ta patrie, peu importe ce que tu ressens, un sentiment n'a pas de prix, n'a de la valeur que dans le présent. Alors laisse parler ton cœur et dis-moi ce qu'il ressent. Et une fois tout recensé, garde l'émotion la plus sensée. Inscris-la dans tes pensées, tâche de la dépenser. Utilise-la pour avancer et continue sur ta lancée. N'oublie pas de la partager, parfois elle te fera voyager. Je te chante ton cœur et ton voisin, il faut un messager. J'ai un tatou résumé, franchement ça fait plaisir. Espérons que notre message, des gens sauront le saisir. On a fait le nécessaire, loin des vers, des mécésaires. Nos mots sont sûrement maladroits, mais au moins ils sont sincères. L'émotion frère, l'émotion que l'on partage. Faut leur montrer que l'on peut échanger autrement que par la rage. Et pour ceux qui comprennent pas, alors ils verront un barrage. Suffit pas d'avoir les ailes si ton esprit est dans une cage. L'émotion me libère et mes pensées délibèrent. Mon cœur est chaud en été comme en hiver. Je te considère comme mon frère, si tu le veux on sera solitaire. En attendant il faut mettre tous nos différents à terre. On est tous différents sur terre, mais on est tous des êtres humains. Alors profitons de nos émotions passagères et tournons-nous vers demain. Prouvons à tous ceux qu'on aime, qui nous sont chers, et soyons acteurs de nos vies. Prenons notre destin à demain.